Je suis malade. Je me sentais très bien hier. La preuve, j'ai mangé des tas de caramels, de bonbons, de gâteaux, de frites et de glaces. Et dans la nuit, je me demande pourquoi, comme ça, j'étais très malade. Le docteur est venu ce matin. Quand il est entré dans ma chambre, j'ai pleuré, mais plus par habitude que pour autre chose, parce que je le connais bien, le docteur. Il est rudement gentil. Et puis, ça me plaît quand il met la tête sur ma poitrine, parce qu'il est tout chauve, et je vois son crâne qui brille juste sous mon nez, et c'est amusant. Le docteur n'est pas resté longtemps. Il m'a donné une petite tape sur la joue, et il a dit à maman « Mettez-le à la diète, et surtout, qu'il reste couché, qu'il se repose. » Et il est parti. Maman m'a dit « Tu as entendu ce qu'a dit le docteur? J'espère que tu vas être très sage et très obéissant. » Moi, j'ai dit à maman qu'elle pouvait être tranquille. C'est vrai, j'aime beaucoup ma maman et je lui obéis toujours. Il vaut mieux parce que sinon ça fait des histoires. J'ai pris un livre et j'ai commencé à lire. C'était chouette, avec des images partout et ça parlait d'un petit ours qui se perdait dans la forêt où il y avait des chasseurs. Moi, j'aime mieux les histoires de cow-boys. Mes tantes plus chéries, à tous mes anniversaires, me donnent des livres pleins de petits ours, de petits lapins, de petits chats, de toutes sortes de petites bêtes. Elle doit aimer ça, tante plus chérie. J'étais en train de lire là où le méchant loup allait manger le petit ours quand maman est entrée suivie d'Alceste. Alceste, c'est mon copain, celui qui est très gros et qui mange tout le temps. « Regarde, Nicolas, » m'a dit maman, « ton petit ami Alceste est venu te rendre visite. N'est-ce pas gentil ?»« Bonjour, Alceste, » j'ai dit. « C'est chouette d'être venu. » Maman a commencé à me dire qu'il ne fallait pas dire chouette tout le temps quand elle a vu la boîte qu'Alceste avait sous le bras. « Que portes-tu là, Alceste ?» elle a demandé. « Du chocolat ?» a répondu Alceste. Maman alors a dit à Alceste qu'il était très gentil, mais qu'elle ne voulait pas qu'il me donne les chocolats parce que j'étais à la diète. Alceste a dit à maman qu'il ne pensait pas me donner les chocolats, qu'il les avait apportés pour les manger lui-même, et que si je voulais des chocolats, je n'avais qu'à aller m'en acheter, non mais sans blague. Maman a regardé Alceste un peu étonnée, elle a soupiré, et puis elle est sortie en nous disant d'être sage. Alceste s'est assis à côté de mon lit et il me regardait sans rien dire, en mangeant ses chocolats. Ça me faisait drôlement envie. « Alceste, » j'ai dit, « tu m'en donnes de tes chocolats ?»« Bon, t'es pas malade ?» m'a répondu Alceste. « Alceste, t'es pas chouette !» je lui ai dit. Alceste m'a dit qu'il ne fallait pas dire chouette et il s'est mis deux chocolats dans la bouche, alors on s'est battu. Maman est arrivée en courant et elle n'était pas contente. Elle nous a séparés, elle nous a grondés et puis elle a dit à Alceste de partir. Moi, ça m'embêtait de voir partir Alceste. On s'amusait bien, tous les deux. Mais j'ai compris qu'il valait mieux ne pas discuter avec maman. Elle n'avait vraiment pas l'air de rigoler. Alceste m'a serré la main, il m'a dit à bientôt et il est parti. Je l'aime bien, Alceste. C'est un copain. Maman, quand elle a regardé mon lit, elle s'est mise à crier. Oh, il faut dire qu'en nous battant, Alceste et moi, on a écrasé quelques chocolats sur les draps. Il y en avait aussi sur mon pyjama et dans mes cheveux. Maman m'a dit que j'étais insupportable et elle a changé les draps, elle m'a emmenée à la salle de bain où elle m'a frotté avec une éponge et de l'eau de Cologne et elle m'a mis un pyjama propre, le bleu à rayures. Après, maman m'a couchée et elle m'a dit de ne plus la déranger. Je suis restée seule et je me suis remis à mon livre, celui avec le petit ours. Le vilain loup, il ne l'avait pas eu le petit ours parce qu'un chasseur avait battu le loup. Mais maintenant, c'était un lion qui voulait manger le petit ours. Et le petit ours, il ne voyait pas le lion parce qu'il était en train de manger du miel. Tout ça, ça me donnait de plus en plus faim. J'ai pensé à appeler maman, mais je n'ai pas voulu me faire gronder. Elle m'avait dit de ne pas la déranger. Alors je me suis levée pour aller voir s'il n'y aurait pas quelque chose de bon dans la glacière. Il y avait des tas de bonnes choses dans la glacière. On mange très bien à la maison. J'ai pris dans mes bras une cuisse de poulet, c'est bon froid, du gâteau à la crème et une bouteille de lait. « Nicolas !» j'ai entendu crier derrière moi. J'ai eu très peur et j'ai tout lâché. C'était maman qui était entrée dans la cuisine et qui ne s'attendait sans doute pas à me trouver là. J'ai pleuré à tout hasard parce que maman avait l'air fâchée comme tout. Alors maman n'a rien dit. Elle m'a emmenée dans la salle de bain, elle m'a frottée avec l'éponge et l'eau de Cologne et elle m'a changée de pyjama parce que sur celui que je portais, le lait et le gâteau à la crème avaient fait des éclaboussures. Maman m'a mis le pyjama rouge à carreaux et elle m'a envoyé coucher en vitesse parce qu'il fallait qu'elle nettoie la cuisine. De retour dans mon lit, je n'ai pas voulu reprendre le livre avec le petit ours que tout le monde voulait manger. J'en avais assez de cette espèce d'ours qui me faisait faire des bêtises. Mais ça ne m'amusait pas de rester comme ça sans rien faire. Alors, j'ai décidé de dessiner. Je suis allée chercher tout ce qu'il me fallait dans le bureau de papa. Je n'ai pas voulu prendre les belles feuilles de papier blanc avec le nom de papa écrit en lettres brillantes dans le coin parce que je me serais fait gronder. J'ai préféré prendre des papiers où il y avait des choses écrites d'un côté et qui ne servaient sûrement plus. J'ai pris aussi le vieux stylo de papa, celui qui ne risque plus rien. Vite, vite, vite, je suis rentrée dans ma chambre et je me suis couchée. J'ai commencé à dessiner des trucs formidables, des bateaux de guerre qui se battaient à coups de canon contre des avions qui explosaient dans le ciel, des châteaux forts avec des tas de monde qui attaquaient et des tas de monde qui leur jetaient des choses sur la tête pour les empêcher d'attaquer. Comme je ne faisais pas de bruit depuis un moment, maman est venue voir ce qui se passait. Elle s'est mise à crier de nouveau. Il faut dire que le stylo de papa perd un peu d'encre. C'est pour ça d'ailleurs que papa ne s'en sert plus. C'est très pratique pour dessiner les explosions, mais je me suis mis de l'encre partout et aussi sur les draps et le couvre-lit. Maman était fâchée, et ça ne lui a pas plu les papiers sur lesquels je dessinais, parce qu'il paraît que ce qui était écrit de l'autre côté du dessin, c'était des choses importantes pour papa. Maman m'a fait lever, elle a changé les draps du lit, elle m'a emmenée dans la salle de bain, elle m'a frotté avec une pierre ponce, l'éponge et ce qui restait au fond de la bouteille d'eau de Cologne. Et elle m'a mis une vieille chemise de papa à la place de mon pyjama parce que de pyjama propre, je n'en avais plus. Le soir, le docteur est venu mettre sa tête sur ma poitrine. Je lui ai tiré la langue, il m'a donné une petite tape sur la joue et il m'a dit que j'étais guérie et que je pouvais me lever. Mais on n'a vraiment pas de chance avec les maladies à la maison aujourd'hui. Le docteur a trouvé que maman avait mauvaise mine et il lui a dit de se coucher et de se mettre à la diète.